s'ennuie, c'est le monde qui rétrécit. Un enfant fatigué et la terre est épuisée. Un gosse souffrant, c'est le monde qui attend. Un enfant orphelin et la terre a du chagrin. Mais le jour où un enfant sourit, c'est le monde qui s'attendrit. Un gosse doucement s'endormira et la terre s'émerveillera. Un gosse en âme, c'est la terre qui se tanne. Un enfant blessé et le monde est touché. Un gosse violé, c'est la terre qui est menacée. Un enfant sidéen et le monde est atteint. Mais le jour où un enfant fredonne, c'est le monde qui s'étonne. Un gosse dans la nuit rêvera et le monde se transformera. Un gosse en détresse, c'est la terre qu'on blesse. Un enfant torturé et le monde se met à hurler. Un gosse estropié, c'est la terre amputée. Un enfant succombe et le monde creuse sa tombe. Mais le jour où un enfant s'élèvera, c'est le monde qui progressera. Un gosse de demain brisera ses chaînes et la terre chassera sa haine. Car c'est ainsi que nous changerons nos vies, quand le passé nous aura enfin appris que les enfants sont les fruits de l'avenir, des sources à ne jamais tarir, des sources à ne jamais tarir, des sources à ne jamais tarir.